Bonjour mes frères et sœurs, et nous sommes en ce vendredi, nous allons continuer le chapitre 11 de Marc et nous allons le terminer. Notre bon Père du ciel, c'est fantastique de voir que ta parole ne laisse aucun doute. Le royaume que tu voulais établir n'était pas un royaume politique ou physique, mais un royaume spirituel. Ô Seigneur, garde-nous. Garde-nous de penser que ta maison de prière est là pour nous, mais est là pour toi, pour ta gloire, pour ton œuvre, pour ton royaume. Ô notre Dieu, tu règnes sur nous en Jésus-Christ, par Jésus-Christ, qui est le roi de l'Église. Le Seigneur de l'Église, la tête de l'Église. Ô notre cœur, notre âme que tu as régénérée, désire ardemment que tu conduises ton peuple afin que tu sois glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans la dernière semaine. On est mercredi et Jésus a été identifié par Timée comme étant le fils de David. Ensuite, ça, Jésus a initié son couronnement par les gens du peuple et il s'est dirigé en tant que nouveau roi vers son temple, non pas le palais, mais vers le temple de Dieu, vers la maison de prière de son père, une maison de prière pour les nations. Et il nous a montré qu'il faudrait s'approcher de cette maison-là avec foi et avec contrition. Premièrement, pour faire la paix avec Dieu et la paix avec les gens autour de nous. Parce qu'il parle, tu dois pardonner si tu veux être pardonné par ton Père. Si tu es devant ton Dieu, debout dans la prière et que tu t'arrêtes et que tu vois que ta relation avec tes semblables est perturbée parce qu'on te fait du mal. Et toi aussi, t'en as fait du mal. C'est ça, c'est sous-entendu. Si tu veux être pardonné, il faut que tu pardonnes. Si tu pardonnes pas, tu ne seras pas pardonné. Ici, rappelez-vous que ces vérités n'ont pas été dites à des chrétiens, mais à des gens qui n'utilisez pas bien la maison de prière. Et que Jésus dit, si vous voulez bien utiliser la maison de prière. Donc, quand moi je suis rentré dans le temple de Dieu, en tant qu'être humain, j'ai rentré là par la foi, foi que Dieu était pour accomplir ce qu'il avait promis, ce qu'il avait prophétisé, ce qu'il avait annoncé par l'Évangile, par la bonne nouvelle, par l'arrivée du royaume. Je rentre là par la foi et dans l'humilité pour rechercher le pardon de Dieu et le pardon avec les gens autour de moi, rechercher la paix. Et la paix, ça se fait par le pardon. Et si je rentre comme cela, je ne suis pas déclaré un figuier stérile, mais un figuier qui est vrai, qui est authentique. Quand il y a des feuilles, il y a des figues. Quand je rentre dans la maison de Dieu, une maison de prière, mon cœur est dévoué à Dieu. Ce matin, on ne peut pas penser à autre chose. Il va y avoir une réaction de ces pharisiens et scribes qui ont été choqués de ce que Jésus faisait. Ils se sont mis à chercher un moyen de le faire périr. Ils veulent du couper le cou, si je peux dire en québécois. Ils veulent trouver un moyen de le faire d'une façon hypocrite parce qu'ils ne veulent pas être jugés, condamnés par le peuple en faisant mourir Jésus. Donc, ils cherchent un moyen qu'ils vont trouver par la volonté de Dieu, jeudi. Là, on est mercredi. Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem. Donc, on a vu, Jésus a parti. Le matin, il rencontre le figuier. Il chasse les vendeurs du temple. Il retourne à Béthanie, ils reviennent. C'est là que Jésus répond à la question de Pierre, « Garde, le figuier était séché. » Et là, on continue. Au verset 27, « Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem. » Donc, là, ils sont sur le chemin entre Béthanie et Jérusalem quand la question du figuier revient. Et là, on est au verset 27, qu'on va lire ensemble jusqu'à la fin du chapitre, verset 33. Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem, et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens vinrent à lui et lui dirent, « Par quelle autorité fais-tu ces choses, et qui t'a donné l'autorité de les faire ?» Jésus leur répondit, « Je vous adresserai aussi une question. Répondez-moi, et je vous dirai, par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes ? Répondez-moi. » Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux, « Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ? Et si nous répondons des hommes, ils craignaient le peuple, car tous tenaient réellement Jean pour un prophète. » Alors ils répondirent à Jésus, « Nous le savons. » Et Jésus leur dit, « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » Donc, à la fin de cette journée, toute la grosse gomme, les sacrificateurs, les scribes, les anciens, ça veut dire que le Sanhédrin, sont là. Et là, ils veulent l'interpeller pendant que Jésus est dans le temple. Imaginez-vous, ça se passe dans le temple, dans la maison de prière. C'est là que ça se passe. Toute cette hypocrisie, cette manigance, cette façon d'agir pour faire mourir Jésus, ça se passe dans la maison de prière. Pas pour rien que Jésus a fait son fouet, vous savez, c'est pas pour rien. C'était une grosse mascarade, ce qui se passait dans le temple de Dieu. Une grosse mascarade. Donc, il s'approche de lui, puis il lui pose la question. « Par quelle autorité fais-tu ces choses ? » Qui t'a donné l'autorité de faire ces choses ? De quoi parle-t-il ? De quelles choses ? D'avoir rentré dans Jérusalem en étant couronné par le peuple ? Je crois que oui, ça comprend cela. Et l'autre, d'avoir rentré dans le temple et d'avoir fait le ménage ? D'avoir chassé les vendeurs du temple, d'avoir chassé les échangeurs de monnaie, d'avoir chassé tous les animaux qui étaient là, et toute cette mascarade de caverne de voleurs. Qui t'a donné l'autorité pour faire cela? En bon québécois, mais pour qui tu te prends pour faire une chose pareille? De quel droit as-tu pour faire cela? Ben, ils ont raison de poser la question. Ils ont raison jusqu'à certains points. Jésus n'est pas un roi reconnu par le peuple, par les autorités du peuple, du moins. Il n'est pas non plus un grand prêtre. Hein? Il n'a pas été nommé comme garde ou chef de la police juive. Qui es-tu? Pour qui tu te prends pour faire une telle chose? Donc Jésus, comme c'est souvent sa coutumée, il ne répond pas directement, pose une question à place. Ce n'était pas juste lui, c'était une forme de pédagogie au temps de Jésus. On enseignait en posant des questions. Jésus leur répondit, « Je vous adresserai une question. Je vais vous poser une question, et si vous me répondez à ma question, je vais vous répondre à la vôtre. » Ils disent, « OK. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes ?» « Répondez-moi. » Le ministère de Jean, ou le baptême de Jean, la prédication de Jean, le fait que Jean était là et que pendant un an avant la venue, 6 mois avant la venue de Jésus, il a fait, mettons, son enseignement, son ministère pendant un an, est-ce que ça venait de Dieu, du ciel, ou si ça venait des hommes? Répondez-moi. Si vous me répondez, je vous réponds, moi aussi, à votre question. Et là, ils se mettent à manigancer entre eux. Ouh, il dit, on est pognés, là. Il nous a coincés. Si on répond d'une place, on se fait avoir. Si on répond d'une autre façon, on se fait avoir encore. Donc, on se fait avoir ces deux bords si on répond. Donc, si on dit que ça venait du ciel, Jésus va dire, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas cru en lui? Parce qu'ils l'avouent de leur propre bouche ici. Pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Parce qu'ils n'ont pas cru en Jean-Baptiste. Donc, s'ils n'ont pas cru à Jean-Baptiste, ça nous dit clairement, facilement, qu'ils ne croiront pas à Jésus non plus. Mais si on dit des hommes, là, on doit craindre la foule. D'un bord ou de l'autre, on est coincé. Parce que dit, la foule aimait Jean. La foule pensait que Jean était un prophète de Dieu. Donc, elle dit, on est bien mieux de se la former. Ils répondent quoi? Nous ne savons. On ne sait pas. C'est un mensonge. On ne sait pas. Ils savaient. Eux autres croyaient que Jean, ça ne venait pas de Dieu. Ils ne croyaient pas que ça venait de Dieu. Parce que si ça venait de Dieu, ils auraient cru. Si ça venait de Dieu, puis qu'ils pensaient que ça venait de Dieu, puis qu'ils ont rejeté Jean, puis qu'ils se sont éloignés de Jean, et qu'ils ont parlé contre Jean, et qu'ils ont finalement fait mourir Jean. Mais là, ils sont en contradiction ouverte contre Dieu. Parce que s'ils disent que ça vient de Dieu, si Jean vient de Dieu, automatiquement, ils vont savoir qui lui a donné l'autorité. Ils vont savoir par quelle autorité il fait ces choses. Ils vont le savoir. Si Jean, qui est le précurseur de Jésus, Jean qui a annoncé Jésus, Jean qui a pointé le doigt vers, c'est lui l'agneau de Dieu. Jean qui a dit que c'était lui qui était celui qui devait venir et qui n'était pas digne de délier ses sandales. Jean pointait vers Jésus. Et si Jean venait du ciel, celui que Jean pointait venait du ciel aussi. Jean venait du ciel, automatiquement Jésus vient du ciel. Si Jésus vient du ciel, ils ont la réponse à leur question. Qui t'a donné l'autorité? Le ciel. Le ciel m'a donné l'autorité, comme le ciel avait donné l'autorité à Jean. Jean est envoyé par Dieu pour annoncer l'arrivée du royaume, pour annoncer que le Messie était arrivé, parce qu'il est, Jean l'a dit, il est là parmi vous. C'est lui qui doit venir, il y en a un qui m'a devancé, qui est venu après moi, mais qui était là avant moi, qui est là parmi vous. Donc, il savait, Jean avait pointé l'arrivée du Messie. Et Jean appelait les gens à se repentir, parce que le royaume de Dieu était proche. Mais ils n'y ont pas cru. Donc, c'est pour ça qu'ils ne savent pas par quelle autorité fait ces choses. Parce que Jésus a l'autorité, parce que hier, on a vu le peuple chanter « Hosanna, fils de David, Hosanna, celui qui est envoyé par le Seigneur, notre Dieu. » L'autorité vient de Dieu. Et l'autorité vient qu'il est le fils de David. S'il est le fils de David et qu'il est le roi d'Israël, il a le droit. Il a le droit d'intervenir. Roi d'Israël spirituel. Donc, lui étant le roi spirituel, étant le roi du royaume de Dieu, peut rentrer dans la maison de prière et faire ce qu'il a fait. Par descendance, si je peux dire de même, étant le fils de David annoncé, il a toute l'autorité de le faire. Il y a l'autorité qui vient de Dieu de le faire. S'ils avaient accepté Jean-Baptiste, qu'ils l'avaient reconnu comme étant un envoyé de Dieu, un prophète de Dieu, ils n'auraient pas posé la question. Ils auraient reconnu son autorité. Et ils se seraient soumis à son autorité. Mais ils ont rejeté Jean. Donc, ils rejettent aussi Jésus. Donc Jésus leur dit, je ne vous dirai pas non plus de qui je tiens mon autorité. Je ne vous le dirai pas. Ça veut dire quoi, ça? Il les garde dans le ténèbre. Il les garde sous le jugement de Dieu. Il dit, vous ne voulez pas? Vous ne voulez pas vous repentir? Vous n'avez pas voulu croire en Jean? Qu'il venait du ciel? Pas que, qu'il était un incarné, là, mais que son autorité venait du ciel. Donc, il dit, je ne vous dirai pas moi non plus par quelle autorité je fais les choses. Et automatiquement, il les garde dans les ténèbres. Et donc, il les garde sous la condamnation de Dieu. Vous vous souvenez? Ils ont péché au chapitre 4, je pense, ou 5, dans ce coin-là, 3 peut-être. Je pense que c'est 3. Ils ont péché contre le Saint-Esprit. Hein? Ils avaient fait un péché irréversible, perpétuel, éternel, un péché non pardonnable. Ils sont encore là. Et ils sont incapables de se tourner vers Dieu. Et Jésus ne leur donne pas la vérité, encore une fois de plus. Il dit, ben, je vais vous répondre, je vais vous dire, je vais vous expliquer, comprenez, puis ci, puis ça. Non, il ne leur donne pas le signe qu'ils voulaient avoir, génération incrédule, race incrédule. Il ne leur donne pas le signe qu'ils ont demandé l'autre jour, vous vous souvenez? Il ne répond pas à leurs questions ici. Parce que leur cœur est endurci, leur cœur est dur. Ils ont blasphémé contre l'Esprit. Et ils ferment la porte. Jésus a toute l'autorité en tant que fils de David, envoyé de Dieu, né de Marie et né du Saint-Esprit. Il a toute l'autorité qu'il a besoin. Étant dans la maison de Dieu, il est Dieu fait chair. Et humainement, il est le fils de David, donc il est le roi du royaume que Dieu veut établir. Parce que Dieu avait annoncé à David un fils qui aurait un règne perpétuel, un règne qui n'avait pas de fin. Il annonçait déjà la couleur de ce genre de royaume qui était différent du royaume que David avait, dans cela un royaume en Israël, limité à Israël. Jésus a autorité sur la maison de Dieu. La question qu'on se pose ce matin, est-il notre autorité? Oui, pour tous les enfants de Dieu, il est notre autorité. C'est lui qui détermine le vrai du faux. C'est lui qui détermine le bien du mal. Il est l'autorité suprême et unique de nos vies et du peuple de Dieu. Mon bon Père du ciel, oh, comme il est bon de savoir que tu as toute autorité. Personne ne peut contredire ton autorité. Personne ne peut t'enlever ton autorité. Tu es le seul et unique roi sur le peuple de Dieu pour l'éternité. Oh Seigneur, nous avons hâte qu'un jour tu viennes bientôt et que tu établisses ton règne dans les nouveaux cieux, nouvelles terres, là où nous serons avec toi, tous ceux qui ont accepté ton autorité sur la maison de prière de ton Père. Au nom de Jésus.